Sur le quai de Mirabel, j'ai laissé quelqu'un sur un beau sourire et sur un gros chagrin. Sur le quai de Mirabel, j'ai perdu les yeux. Adieu, mademoiselle, adieu, monsieur. Flying high, singing low, I left a girl in the snow. What the hell, Isabelle, je ne me trouve pas bon. Consolez-moi, j'ai le cœur gros. Moonlight lies, je t'aime. Midnight song, be easy on my soul. Sur le quai de Mirabel, je reste debout, les yeux sous les ailes, et tout l'amour que j'ai pour vous. Sur le quai de Mirabel, dans le ronron des motards, je veux cacher mes larmes, mais ça, ça s'apprend pas par le cœur. Flying high, singing low, I left a girl in the snow. What the hell, Isabelle, je ne me trouve pas bon, non. Consolez-moi, j'ai le cœur gros. Isabelle, fais-moi monter sur ton dos and tell you sweet lies only to me, only to me. Isabelle est partie, Mirabelle aussi.